C'est l'histoire de Coco le coq qui passe du coq à l'âne et qui change de poule comme de chemise. Il peut faire du saut de mouton avec les poules vu que c'est le seul coq de la basse-cour. Mais Coco bégayait et tout le monde se moquait de lui. C'était des prises de bec, surprise de bec, surprise de bec, surprise de bec, surprise de bec, surprise. Un jour, Nelly la coccine, Nelly la coccine, Nelly la coccine, Nelly la coccine, Nelly la coccine. Petite bête, à bon Dieu, abondit sur le kiki de Coco et s'y blottit le coccyx. Elle était comme un coq en pâte. Pour payer son loyer, Nelly la coccine, Nelly la coccine, Nelly la coccine, Nelly la coccine, Nelly la coccine a appris à Coco le coq à ne plus bégayer. C'est l'histoire de Coco le coq qui passe du coq à la main et qui change de poule comme de chemise. Il peut faire du saut de mouton avec les poules vu que c'est le seul coq de la basse-cour. Coco tombe follement amoureux de sa maîtresse et réussit enfin à dire à Nelly, Nelly ma coccine, Nelly ma coccine, Nelly ma coccine, Nelly ma coccine, Nelly ma coccine.